Radio Antigone. Radio Antigone. Bonsoir, bonsoir à tous. Très, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce premier numéro des 60. Les 60, comme les 60 prochaines minutes que nous allons passer ensemble et en direct entre 19h30 et 20h30 ou un petit peu plus tard de 22h à 23h en rediffusion ce soir dorénavant comme chaque vendredi, évidemment dans les prochaines heures en podcast. 60 minutes d'infos, 1 heure donc pour revenir sur l'actualité de la semaine, grand reportage, décryptage et nouvelles complètes. On va donc parcourir toute votre nouvelle émission, les 60. Merci d'écouter Radio Antigone, le son qui a du sens. Et avant donc de parler médecine et géopolitique européenne notamment, voici les grandes informations de la soirée. Et le point quotidien de la Covid-19 en France notamment, Jérôme Salomon l'a annoncé il y a quelques instants. 3078 personnes sont dans les services de réanimation, 668 nouvelles admissions aujourd'hui et 25 887 patients sont toujours hospitalisés. 52 200 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de la pandémie. Un peu moins de 25 000 ont perdu la vie et 218 en 24 heures, les chiffres heureusement baissant de jour en jour. Les ordres de professions de santé qui se sont offusqués ce soir dans un texte cinglant du nombre sidérant de masques annoncés à la vente par la grande distribution. En effet, la raison derrière leur courroux est très simple, c'est le fait qu'il en a cruellement manqué aux soignants, aux patients les plus fragiles jusqu'à maintenant. Ils réclament des comptes à ces enseignes de grande distribution dans un communiqué commun. L'homme soupçonné d'avoir fauché au volant d'une voiture 3 policiers lundi à Colombes dans les Hauts-de-Seine est mis en examen aujourd'hui et est coué pour toute tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, a annoncé cet après-midi le parquet national antiterroriste. Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a démenti les accusations de viol de la part d'une ancienne collaboratrice qui s'appelle Tara Reid. Ces allégations ne sont pas vraies, cela n'est jamais arrivé, a-t-il affirmé. Sport, la décision d'arrêter la Ligue 1 n'est pas du goût de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui l'estime terriblement injuste. On est allé beaucoup trop vite, on a eu une attitude franco-française, regrettait le micro de France Info, envisage d'aller en justice, enfin, alerte orange. Pluie, inondation en Savoie, Haute-Savoie et en Isère, jusqu'à demain soir, 21h. Voilà pour vos nouvelles toutes fraîches et pimpantes de ce début de soirée. Bienvenue, vous écoutez Radio Antigone, et ça fait bien plaisir de vous retrouver. Et avant de faire le point avec notre premier grand reportage de la rédaction dans les 60 premières pages musicales, première pause musicale, avec Vitalik, voici Poison Lip, excellent vendredi soir et très bon début de week-end à l'écoute de Radio Antigone, le son qui a du sens, le son de l'info, comme chaque vendredi soir dorénavant, notre nouveau rendez-vous, les 60. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur les réseaux sociaux avec nous, avec le mot dièse Antigone, les 60. Bon début de soirée, 19h35. Merci d'être avec nous, c'est les 60, comme dorénavant chaque vendredi soir. Ils s'appellent Sarah, Victoria, Nora, Maxime et Marie. Tous sont infirmiers en région parisienne, des diplômés depuis au moins un an. Certains même tout juste depuis un petit mois. Je dois vous dire que ça fait pas longtemps. Et aux urgences, en médecine interne, en hospitalisation à domicile ou en maladie infectieuse, ils font en ce moment leurs premières armes en pleine pandémie de la Covid-19. Je dois vous dire que ce n'est pas facile, probablement. Comment ont-ils vécu leur arrivée dans les services? Débutants et en première ligne face au coronavirus, c'est un grand reportage de Marie Normand pour la première des 60 de Radio Antigone, notre nouveau magazine ancré dans l'actualité par ceux et celles qui font et vivent l'information. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous, on nous en a parlé qu'à partir du mois de février-mars, on savait que ça allait impacter nos prises de poste en tant que jeunes étudiants. En fait. Et cela requiert notre mobilisation générale. Et je voyais pas les choses comme ça. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur et que ça allait surtout avoir autant de répercussions. Clairement, jusqu'au confinement, on n'avait pas vraiment conscience des choses. Je me suis dit, oula, ça va être un peu complexe pour la prise de poste. Nous sommes en guerre. J'ai vraiment pris conscience en fait de l'ampleur de cette pandémie le jour où j'ai commencé le 1er avril. C'est là où j'ai vraiment compris en fait pourquoi on avait instauré le confinement, pourquoi les hôpitaux étaient vraiment dans le besoin et pourquoi les premiers temps de ma carrière infirmière allaient être très compliqués. Sarah a 22 ans. Elle a intégré il y a un mois les urgences d'un grand hôpital parisien, un service qu'elle a connu lors d'un stage au cours de ses études, ce qui n'a pas forcément facilité les choses le premier jour. J'ai connu les urgences, on va dire, pendant 3 mois assez normales, avec de la traumato, des personnes qui décompensent ou, comme on peut dire, de la bobologie avec des accidents de transport, quelqu'un qui se tord la cheville dans le métro. Et là, en fait, le premier jour, c'était exclusivement en fait que des personnes en suspicion ou atteintes du Covid-19. Nous avons dû nous changer directement et directement être affectés en fait dans différents secteurs. Tous les personnels de l'hôpital avaient l'attirail complet, donc avec les blouses, manches longues, le masque FFP2, les charlottes, les lunettes, donc assez méconnaissable, on va dire. C'était compliqué en fait pour par exemple se présenter aux différents personnels. Moi, j'avais le réflexe en fait d'enlever mon masque à chaque fois que je me présentais pour qu'on voit la façon dont je parle, etc. C'est vrai que c'était un mauvais réflexe et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on m'a conseillé d'arrêter d'enlever mon masque et que les présentations se feront une autre fois, quoi. Dans le jargon, ces jeunes diplômés, on les appelle les IDE. Normalement, leur processus d'intégration dans les services est très codifié. Mais pour cause de pandémie, certains ont suivi une formation accélérée. L'adaptation est très compliquée. J'ai du mal encore à assumer mon statut d'infirmière. C'est une petite claque de responsabilité qu'on n'avait pas forcément en tant qu'étudiant. J'étais pas doublée, mes premières nuits n'étaient pas doublées. Admettons, sur un secteur, en fait, il y a 2 infirmières de base, nous allons être 3 pour que je puisse, en fait, bénéficier de l'intégration, en fait, d'une des 2 infirmières pour m'expliquer chaque chose ou m'encadrer sur certains soins que je n'ai pu ne pratiquer pendant mon cursus de formation. Les doublons n'ont pas forcément eu lieu, faute de personnel, en fait. Donc, en fait, j'apprends sur le tas. Même chose pour Marie. Pour elle, le métier d'infirmière est une reconversion, une voie que cette ancienne juriste a choisi de suivre après sa première grossesse. 3 ans de stage et de cours en alternance, encadrés par l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, avec une remise des diplômes prévue normalement au mois de mars. Moi, je m'en faisais toute une montagne, c'était un gros fantasme depuis 3 ans. Et puis finalement, vu les circonstances, ça s'est fait très très silencieusement. On n'a évidemment pas eu de remise de diplôme manuel, juste en consultant une page sur un site internet. Marie se destinait à la cancérologie. Mais pour cause de pandémie, elle a finalement débuté il y a quelques semaines en médecine interne de nuit dans un grand hôpital public parisien entièrement dédié aux patients Covid-19. J'étais morte de trouille en arrivant à l'hôpital le premier soir. J'ai été bien accueillie, complètement déboussolée mais bien accueillie par les équipes qui directement m'a donné des patients à prendre en soin. Normalement, il y a vraiment un processus d'intégration. C'est comme un peu un mini-stage. Et puis ensuite, peut-être on a des patients, enfin un tour de patients un peu plus léger. J'ai pas du tout eu de période de doublement. Et ça c'était quand même une vraie surprise. Victor, lui, dit avoir bénéficié d'une vraie période d'intégration. Il travaille en hospitalisation à domicile, le suivi des patients qui, par exemple, souffrent de maladies chroniques. Les hôpitaux avaient besoin de faire de la place. Donc déjà, ça a augmenté l'activité parce qu'il a fallu récupérer tous ces patients-là. Et en plus de ça, les hôpitaux de jour où étaient pratiquées les chimiothérapies, c'est pareil, ont été obligés de fermer ou réduire leur activité. Donc il a fallu récupérer ces patients-là. Il a fallu qu'on administre des chimiothérapies intraveineuses qui sont complètement différentes. Et ça, il a fallu appréhender assez rapidement ces protocoles-là. Moi qui étais complètement nouveau, qui suis complètement nouveau dans ce service-là, au-delà d'apprendre un nouveau protocole, il fallait que je fasse les liens aussi avec tout ce que j'avais appris en cancérologie, faire attention aux bonnes surveillances, faire attention aux signes cliniques que pouvait présenter le patient. Finalement, ça a généré quand même pas mal de stress, du stress qui a été maîtrisé. Donc je ressors assez fier. S'équiper de tenues jetables pour éviter de se contaminer et de transmettre le virus aux autres. Victor installe un sas pour se changer à l'entrée du domicile de ses patients. Masque, surblouse. Dans son service, malgré certaines restrictions, pas de manque d'équipement selon lui. Au sein même de certains hôpitaux, la situation est plus tendue. Impossible selon Marie de respecter les consignes de protection en l'état actuel des stocks. Et dès le vestiaire, les mauvaises surprises commencent. Je pense que le vestiaire en question, il doit faire peut-être 10 mètres carrés. Avec une poubelle au milieu où on met des tenues pleines de Covid. Maintenant qu'on ne doit plus les jeter, ceci dit, ça résout peut-être le problème. C'est surtout les surblouses qui manquent, qu'on nous demande de récupérer pour qu'elles soient lavées. Je ne sais pas trop par quelle procédure, mais personnellement, je trouve pas ça très rassurant de reporter une tenue censée être à usage unique. Et pourquoi on nous donne ces tenues? C'est pour qu'on les passe pas par la tête, parce que c'est des espèces de t-shirts. Donc, si on passe le t-shirt par la tête, la tenue pleine de Covid, vous faites un shampoing de germes. Mais bon, évidemment, vu que maintenant on veut les relaver, peu importe qu'on les passe par la tête. C'est comme les masques chirurgicaux qu'auparavant on pouvait porter que 4 heures, après ils étaient plus efficaces. Bah, quand il n'y a plus de masque, on vient nous dire que finalement, un masque pour la journée, c'est amplement suffisant. Nora connaît les mêmes difficultés. À 39 ans, elle travaille dans un hôpital gériatrique en banlieue parisienne. On s'est préparé en parlant de cette maladie, on a eu des réunions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mais c'est venu vite en fait. Il n'y avait pas assez de moyens aussi, il manquait de moyens, il manquait des masques, il manquait des tenues, mais quand même, on a essayé de faire avec les moyens qu'on avait, et comme partout en France quoi. Pour elle aussi, c'est une reconversion. Nora a travaillé dans le commerce, puis en tant qu'aide-soignante, avant de se lancer dans des études d'infirmière. Dans son hôpital, les patients sont âgés et souffrent de différentes pathologies. Ils sont donc particulièrement vulnérables au Covid-19. Voir les patients sous 15 litres d'oxygène vers la fin et qui répondent pas, qui veulent plus manger, qui sont fatigués, essoufflés. Surtout des patients, nous, les patients peuvent rester jusqu'à 6 mois avec nous. Et parfois, le patient, on le voit se dégrader du jour au lendemain et partir comme ça, c'est dur, c'est dur. Plusieurs dizaines de membres de ces structures réservées aux personnes âgées dépendantes sont mortes récemment. La plupart avaient été testées positives au Covid-19. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès. Comme Nora, Yasmine, 24 ans, a reçu son diplôme l'année dernière. Elle est en poste aux urgences de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en région parisienne, depuis le mois d'octobre. Quelques mois d'expérience avant l'arrivée de la pandémie, quelques mois qui changent tout. Il n'y avait quand même rien à voir entre le moment où j'ai commencé et le mois que je viens de passer avec Covid. On va dire que j'ai quand même été chanceuse d'avoir eu ma prise de poste bien avant cette crise, parce que c'était quand même un changement d'organisation au sein des équipes, un changement d'organisation. On a eu un renfort de personnel, donc c'est travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est pas évident, parce que du coup, c'était deux fois plus de travail. Aider les autres à s'intégrer, même si on est dans un service d'urgence, moi je travaille quand même dans des petites urgences, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de déchocs, c'est donc la pièce d'urgence vitale. Et donc, les personnes qui sont en déchocage, on a 5 minutes pour les prendre en charge. Avant Covid, on pouvait passer une semaine sans avoir de déchoc. Et du coup, avec Covid, on a multiplié facilement par 5, puisque par jour, on intubait 3-4 personnes. On perdait des gens, malheureusement, aussi. Donc, on avait beaucoup plus de décès aussi. Moi, j'ai fait des réanimations qui ont duré 45 minutes là, durant le déchoc, parce que les personnes étaient jeunes et qu'on voulait absolument leur redonner une chance et se dire, voilà, c'est pas possible de laisser des personnes aussi jeunes s'en aller. Quand on rentre chez nous, on pleure, on vomit et on sait qu'il faut qu'on soit en forme pour le lendemain parce que la journée recommence et qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi avoir leur chance et donc il faut qu'on soit dans les meilleures conditions, voilà, dans des conditions optimales pour les accueillir. Le déchoc que j'ai fait qui m'a le plus marqué, c'était une dame qui avait 50 ans. Cette dame est arrivée avec une saturation à, il me semble, 70. Donc, elle était en détresse respiratoire. Donc, les ambulanciers eux-mêmes étaient en panique. On a récupéré la dame direct en déchoc. Ça a été irrécupérable. La dame étouffait. On était d'ailleurs étonnés qu'elle soit encore animée, quoi, parce que c'était horrible de la voir dans cet état. Et puis, du coup, le mari qui attendait dehors, lui, il n'avait pas le droit de rentrer dans les urgences. Il savait pas ce qui se passait, si sa femme allait le mieux, si sa femme allait moins bien. Et puis au bout d'une heure, on lui a annoncé que sa dame était décédée. On l'entendait crier dans le parking. Nous, les urgences donnent sur le parking. C'était horrible pour nous. Et il pouvait pas rentrer. On lui a quand même proposé, voilà, même si vous rentrez pas dans la pièce, être dans le sas, voilà, et vous pouvez voir votre femme à distance. Il a dit, mais je peux pas. Moi, j'ai une image de ma femme qui est vivante. Vous me proposez de rentrer pour la retrouver morte alors qu'il y a pas une heure, on était ensemble dans le salon. Et c'est des phrases qui, moi, c'était horrible, quoi, à entendre. C'était horrible de se dire que ce monsieur-là, sa vie, elle a basculé en un rien de temps et que nous, on était impuissants face à ça. Je suis rentrée chez moi, j'étais bouleversée. Je voulais plus parler, je savais pas quoi faire. C'est vraiment un décès qui m'a vraiment marquée. J'en ai vraiment encore la gorge nouée quand j'en parle. C'est une situation qui m'a vraiment choquée. Je pense que c'est le déchoquage qui, moi, m'a le plus choquée. Et c'est horrible aussi, mais il y a des morts pires que d'autres. Ces gens-là, ils meurent étouffés. Donc, on les voit dans une douleur. On les voit partir pas sereinement. Et la famille sait qu'ils sont pas partis sereinement parce qu'ils les ont vus être étouffés. Et donc, on peut même pas leur dire, voilà, au moins il est parti sereinement, voilà, il a eu quelques mots à votre égard. On peut même pas leur dire de venir voir les corps parce que c'est interdit. On peut pas leur dire, voilà, vous allez pouvoir faire une belle veillée pour eux, vous serez entouré de vos amis. Non, on sait qu'ils seront seuls dans leur détresse et que le deuil va être très difficile pour eux et parce que c'était inattendu. Et que la suite, après, il n'y aura pas d'accompagnement pour eux parce que tout le monde est confiné. Donc, c'est vrai que c'est aussi tout le contexte qui n'est pas évident aussi et qui est assez choquant pour nous. Maxime est chargé d'accueillir les patients atteints du Covid-19 en ambulatoire à l'hôpital Bichat à Paris. Ces patients ne sont pas hospitalisés, mais ils ont des rendez-vous régulièrement pour suivre leur état de santé. Dans ma tête, quand on m'a dit que j'allais prendre en soin des patients en ambulatoire, je me disais que comme c'était des personnes qui étaient retournées chez elles, bêtement, je me suis dit que c'était des personnes qui allaient plutôt bien. Or, mes deux premières semaines de prise en charge, ça a été très difficile d'affronter l'état de santé très grave des patients qui arrivaient. À l'hôpital, on accueille des fois des gens qui sont pas bien, mais pas autant d'un coup. Et c'est ça qui est dur en rentrant chez soi le soir un peu seul. En période de confinement, c'est un peu la double punition. Malheureusement, j'ai personne à qui vraiment parler en live, donc j'appelle beaucoup mes amis. Mes parents sont là pour me demander comment ça va, mais c'est la charge émotionnelle de la prise en soin des patients et l'impuissance par moment. La prise en charge, comment dire, on la construit au moment aussi sur le tas, bah c'est compliqué de rassurer les patients et c'est compliqué de continuer comme ça en se disant que ça va aller alors qu'on ne sait pas si ça va aller pour certains et qu'on sait même que ça n'ira pas. Disons que ça va faire bientôt 2 mois que j'ai pas vu mes parents. Évacué alors qu'il n'est plus possible de voir ses proches, ses amis, en période de confinement. Sarah, infirmière de nuit, l'a, elle aussi, assez mal supportée. J'habite sur Paris avec, mon conjoint, qui, au début en fait, de ma prise de poste, est parti chez sa famille. Et du coup, on avait décidé que pendant la période du confinement, ça se passerait comme ça. Sauf que ça a été plus compliqué que prévu pour moi, moralement. Égoïstement, je lui ai demandé de revenir pour pouvoir me soutenir parce que c'était très compliqué. En me couchant, en fait, le matin, je ressassais en fait toute ma nuit à savoir si j'avais oublié des choses ou pas. Dans l'équipe, je suis pas forcément très à l'aise parce que je suis très timide. Et voilà. Et au niveau des soins, j'ai pas encore cette assurance. Mais disons que le contexte, en fait, le fait d'être en confinement et de ne pas pouvoir revoir, par exemple, ses amis qui, sûrement sont dans le même cas que moi, qu'on puisse pas se voir pour échanger. Et puis, il y a le manque de la famille aussi. Moi, j'ai l'habitude que ce soit mes parents qui me rassurent. Et c'est le contexte, en fait, qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Dans ce contexte, chacun son rituel pour tenter de ne pas ramener le virus à la maison. Noura, infirmière en gériatrie, décide de suivre un protocole très strict. Avant même de toucher mes enfants, je dois me doucher, me laver, mettre tous mes vêtements à 60 degrés dans la machine. Chaque jour, c'était, comment dire, des barrières avec ma famille, en fait. Je restais tout le temps à l'écart et tout. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. Je suis tombée malade et voilà, et là, j'ai contaminé ma famille. Surtout la nuit, j'arrivais plus à dormir. J'étais assise tout le temps, je cherchais l'air. J'arrivais pas à respirer. C'est pas terminé, je suis encore malade, mais mieux. Malgré tout, mon mari, là, il est malade. Mes filles, elles ont perdu le goût, l'odorat, mais voilà, comme elles sont jeunes, elles n'ont pas développé d'autres symptômes. Dans une quinzaine de jours, Noura reprendra la route de l'hôpital. J'appréhende. J'ai peur et normalement, je ne devais pas dire que j'ai peur parce que quand on est soigné, on n'a pas peur. Mais j'ai peur de retomber malade et de revivre cette expérience. Des psychologues sont à disposition dans les hôpitaux et plusieurs plateformes d'écoute ont été mises en place pour soutenir le personnel soignant. Dr Henri Éric, président de l'association SPS, soins professionnels en santé en souffrance psychique. La plateforme d'écoute a été mise en place il y a environ 3 ans, mais là, à l'arrivée du Covid-19, on a lancé une communication très très importante et là on est multiplié par 30 l'utilisation de notre plateforme et on en est très heureux pour ceux qui s'en servent. pendant une guerre, c'est de la prise en charge organique de ces gens blessés. Eh bien, pendant une épidémie, c'est de la prise en charge psychologique de ces gens blessés dans leur psychisme, dans le sens de leur travail, dans les valeurs de leur travail, dans leur épuisement. Il faut être clair, jusque-là, on disait que ces jeunes n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit. Et puis, quand il y a le Covid, on les a dit, mais si, tu es très capable, et on va te jeter dans la marmite à toute vitesse. Donc là, ils vont rentrer dans un bouillon, ils vont sortir ébouillantés, hein, faut pas rêver. Donc il y a des caractères qui vont très bien aimer, ils vont accepter ça très très bien. Les gens qui ont une capacité de travail énorme vont trouver ça très très très très bien. Et il y en a d'autres qui vont craquer, hein. Ce sont les rêveurs, les empathiques et les persévérants qui vont pas trouver que ça se passe comme ça devrait se passer. Moi je dis à ces jeunes, préservez-vous. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut sur d'y aller ou pas y aller. Et personne n'a le droit de juger l'autre. Ou on y va très cool, ou si on sent qu'on n'est pas cool, bah, il vaut mieux pas y aller. Après quelques semaines d'activité, c'est l'heure d'un premier bilan pour ces nouveaux infirmiers. Avec un certain recul maintenant, il y a des choses pour lesquelles il a fallu faire face autrement. Victor, infirmier en hospitalisation à domicile. Mais avec une vraie solidarité. C'est ça que je retiens, c'est que je trouve qu'il y a eu une vraie solidarité au sein du milieu soignant et entre collègues. Il y a une espèce de transmission qui se fait entre les anciens et les nouveaux qui est hyper importante. Franchement, c'est vraiment pas ce que j'attendais. Sarah, infirmière dans un hôpital public à Paris. J'aurais préféré ne pas commencer comme ça parce que je vous avoue que c'est très, très, très compliqué à vivre. En prenant du recul, en fait, sur toutes mes nuits, je me dis que je me suis pas facilité la tâche. Et pour l'instant, en fait, c'est pas comme ça que je veux exercer mon métier. C'est pas comme ça que je veux me rendre utile. Et c'est pas de cette façon-là que je veux soigner les gens. Vraiment pas. J'ai l'impression, en fait, qu'on patauge total dans les prises en charge, en fait. Yasmine et Nora espèrent, elles, que des leçons seront tirées de cette crise. Face à cette pandémie, parfois il nous manque beaucoup de matériel et ça, c'est pas normal en fait. J'espère qu'on aura plus de matériel pour qu'on puisse prendre mieux en charge les personnes malades et que nous, on se protège aussi. J'espère en tout cas que cette crise, elle aura servi dans le sens où on pense toujours qu'on va ressortir des crises mieux parce qu'on va beaucoup apprendre. Seulement, il y a quand même eu H1N1 il y a quelques années de ça. Et visiblement, on n'a rien appris de cette crise-là. Donc j'espère que l'État y prendra en compte. De Marie Normand, réalisation Pierre Chaffangeon. Benjamin Biolay, comment est à peine juste avant vos nouvelles de l'heure? À tout de suite. Les 60 sera dans Antigone comme chaque vendredi soir. Radio Antigone. Radio Antigone. À la suite des 60, il est 20h ou 22h30 selon que vous écoutez le direct ou la rediffusion. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver. Et voici vos nouvelles de l'heure, le point quotidien de la Covid-19. On va partir de l'autre côté de la Manche. Ce soir, le Royaume-Uni a recensé aujourd'hui 739 décès dus à la Covid-19, marquant ainsi une recrudescence par rapport à la veille, portant à 27 510 morts le bilan total, qui compte désormais les décès survenus à l'hôpital et dans les maisons de retraite en France, évidemment. Jérôme Salomon, il l'a annoncé il y a une quarantaine de minutes de ça. 3878 personnes sont dans les services de réanimation, 668 nouvelles admissions aujourd'hui et 25 887 patients sont toujours hospitalisés. Tandis que 52 200 personnes sont sorties guéries de l'hôpital globalement depuis le début de la pandémie. Malheureusement, 24 594 personnes ont perdu la vie et 218 en 24 heures. Heureusement, les chiffres baissent de jour en jour. Les ordres des professions de santé se sont offusqués ce soir dans un texte cinglant du nombre sidérant de masques annoncés à la vente par la grande distribution. La raison derrière leur courroux vif, le fait qu'il en a cruellement manqué aux soignants et aux patients les plus fragiles jusqu'à maintenant, ils réclament par ailleurs des comptes à ses enseignes dans un communiqué commun. L'homme soupçonné d'avoir fauché au volant d'une voiture 3 policiers lundi dernier à Colombes dans les Hauts-de-Seine a été mis en examen ce soir et écroué aujourd'hui pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, a annoncé ce vendredi soir le parquet national antiterroriste. L'actualité de ce vendredi soir, c'est également le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, qui a démenti les accusations de viol de la part d'une ancienne collaboratrice, Tara Reid. Ces allégations ne sont pas vraies, cela n'est jamais arrivé, a-t-il affirmé. Parlons maintenant un petit peu de sport et la décision d'arrêter la Ligue 1 qui n'est pas du goût du tout du président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui estime cette décision terriblement injuste, car il faut savoir que l'OL il n'ira même pas en Ligue européenne. On est allé beaucoup trop vite, selon lui. On a une attitude franco-française. Regrette-t-il au micro de France Info et envisage d'aller en justice? Enfin, attention à votre tête. Si vous habitez en Haute-Savoie, en Savoie ou en Isère, Météo France a donc placé les trois départements en vigilance orange puis inondation. Aujourd'hui, l'alerte se poursuivra au plus tôt jusqu'à demain soir aux alentours de 21h. Merci d'avoir choisi Radio Antigone, c'est les 60. C'est les 60 comme le nombre de minutes en direct entre 19h30 et 20h30 dans cette seconde et dernière partie de l'émission en ce vendredi 1er mai. Jour de la fête du travail, on va parler géopolitique et comment ça se passe en Europe sur l'une des conséquences du Covid-19, la pandémie du coronavirus, qui a donc poussé les pays touchés en Europe à rétablir des barrières. C'est juste après Kids, voici Joseph d'Anvers sur la radio Avis. Excellent week-end à tous et bienvenue à vous. Les 60 jusqu'à 20h30. Les 60, bienvenue à vous si vous nous retrouvez à l'instant. C'est l'une des conséquences de la Covid-19. Vous le savez que nous sommes dans un monde qui est évidemment ultra globalisé. Et évidemment, la pandémie du coronavirus a poussé les nombreux pays touchés à rétablir des barrières entre les différents pays. Les frontières sont donc de retour, y compris en Europe, malgré l'espace Schengen, alors que la circulation des personnes est au cœur des principes même de l'Union européenne. Pourquoi donc les pays ont-ils choisi de rétablir des contrôles et surtout pourquoi ont-ils pris des décisions chacun de leur côté, plus ou moins comme à l'accoutumée? Est-ce qu'on pourra revenir à une circulation libre dans l'espace Schengen? Comment les Européens et les Européennes vont-ils pouvoir s'organiser pour ouvrir les frontières? En voilà des bonnes questions. Et c'est donc l'heure, dans les 60, du décryptage international de la semaine avec notre camarade Anne Kantner. Bonsoir ma chère Anne. Bonsoir à tous. Deux invités ce soir, Patrick Martin-Jeunier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et vous avez écrit « L'Europe a-t-elle un avenir ?» publié aux éditions Studirama l'année dernière. Avec nous également par téléphone, Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'ESPOL, une école de l'Université catholique de Lille, et conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors. Bonsoir. Bonsoir. Sur cette question des frontières, comme sur d'autres, depuis le début de la crise du coronavirus, en fait, les pays européens ont réagi en ordre totalement dispersé, Patrick Martin-Jeunier. Ah, complètement, oui, parce que vous savez que le traité de Schengen, le principe, c'est qu'on protège les frontières de l'extérieur de l'Union européenne, mais on assure la libre circulation à l'intérieur de cet espace une fois que tout est sécurisé. Il y a des possibilités de remettre des frontières, mais ce sont pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique. Et là, au début de cette pandémie, certains disaient « nous n'allons pas rétablir des frontières ». Et d'un seul coup, comme vous l'avez dit, chacun individuellement, en fonction de la situation et de la pandémie, a soit laissé ses frontières ouvertes, soit les a carrément fermées. Hein. Et il y a un mois, par exemple, l'Allemagne a carrément fermé ses frontières, notamment avec la France, le Danemark et l'Autriche, et n'a laissé passer quelques personnes. Elle avait même demandé, ce qui avait été demandé, c'est que les frontaliers qui passaient d'Alsace en Allemagne ne viennent plus travailler, et cela a été très très mal vu par la France d'une part, mais aussi par la Commission européenne qui, comme vous savez, est là pour, en tant que gardienne des traités, et a rappelé à l'ordre Angela Merkel pour dire que la liberté de circulation des marchandises, c'était aujourd'hui quelque chose d'important, d'autant plus fondamental qu'il faut faire circuler à la fois les marchandises, l'alimentation, mais également le matériel médical qui doit pouvoir traverser les frontières. Alors, il y a d'autres pays européens qui ont pris le même type de mesures, on va en parler, mais puisque vous mentionniez l'Allemagne, Patrick Martin-Jeunier, c'est quand même assez fort de voir que l'Allemagne et la France d'ailleurs, qui sont vraiment des piliers de l'Union européenne, ont rétabli des contrôles à leurs frontières. Oui, eh bien, ça montre bien, si vous voulez, que il y a eu des difficultés. D'abord, le couple franco-allemand, même si l'amitié est très importante, ils ont fait preuve également de solidarité pour accueillir des malades, mais c'était plus tard. Et aujourd'hui, chacun a pris des décisions, notamment l'Allemagne, qui a été très critiquée pour défendre uniquement son point de vue, alors que, en réalité, on sait très bien que le virus traverse les frontières, qu'il faut continuer tout de même à assurer des flux économiques. Et donc, le fait que l'Allemagne ait fermé ses frontières, notamment avec la France, cela a été c'est très très mal considéré, et effectivement ça montre un malentendu. Je peux même vous dire que certains Français ont été insultés dans le land de Sarre, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps à cause de cette pandémie, et que d'ailleurs Angela Merkel a été critiquée notamment par la droite de son parti, parce que rappelez-vous, lors de la crise migratoire, elle avait été très très sévèrement critiquée et sanctionnée sur le plan électoral. Elle n'a pas voulu refaire la même bêtise entre guillemets avec le coronavirus, ce qui explique que la réaction du gouvernement allemand a été dans un premier temps une réaction individualiste. Ce qui s'est vu d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays, tout n'est pas complètement fermé. En Europe de l'Est ou en Europe du Nord, par exemple, qui sont des pays qui ont mis en place des contrôles, il y a aussi parfois des exceptions pour les pays frontaliers. Il y a des sortes d'arrangements au cas par cas, Thierry Chopin. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs catégories en fait de décisions qui ont été prises. D'abord, certains pays en fait ont procédé à la fermeture de leurs frontières, signifiant en fait une interdiction de l'entrée en fait hein, sur leur territoire. Alors c'est le cas de la République tchèque, c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la Croatie, c'est le cas de la Slovaquie par exemple. Alors sauf et c'est ce à quoi vous faisiez notamment allusion, aux ressortissants polonais. C'est le cas de la Lituanie, d'Estonie, notamment dans sa frontière terrestre avec la Lituanie. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, pour les touristes en fait uniquement. Donc c'est déjà une première catégorie en fait de décisions qui ont pu être prises. Et puis il y a une seconde catégorie en fait de décisions où là il s'agit pas en fait de fermeture totale en fait des frontières, mais de fermeture partielle avec des contrôles stricts néanmoins. Et c'est le cas par exemple pour la France, c'est le cas pour la Suisse, c'est le cas pour Luxembourg, et effectivement pour certains de ces pays. Avec des dispositions, des exceptions pour les travailleurs en fait frontaliers et pour les transports de marchandises également. Alors paradoxalement, Thierry Chopin, le Royaume-Uni, qui vient de quitter l'Union européenne, est l'un des rares pays qui a laissé ses frontières ouvertes. Oui, alors je pense que le point est intéressant parce que le Royaume-Uni, en fait, c'est un pays dont on sait qu'il est libéral. C'est un pays dont on sait pour lequel la libre circulation, de manière générale, et la libre circulation des biens, notamment, est une question importante. Et dans le contexte de crise sanitaire actuelle, sans doute, la libre circulation des biens médicaux, des équipements en fait médicaux qui sont nécessaires, dont on a bien vu en fait qu'il manquait à un certain nombre de pays, peut-être expliquer le maintien de cette ouverture des frontières. Alors c'est une coïncidence, mais tout ceci intervient alors que l'espace Schengen devait célébrer son 25e anniversaire il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. On l'a évoqué rapidement, Patrick Martin-Jeunier, mais c'est vraiment l'un des éléments essentiels de la construction européenne qui est suspendu ou malmené en ce moment. Oui, tout à fait, et c'est un des principes essentiels, c'est-à-dire que les traités prévoient qu'il y a une libre circulation totale, c'est un des apports principaux de cette construction européenne. Il y a des possibilités de limiter cette circulation, mais on nous dit les traités le prévoient. En réalité, c'est une situation que nous n'avons jamais connue. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de fermer des frontières pour des motifs sanitaires, alors que l'espace Schengen prévoit des fermetures provisoires pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par exemple lorsqu'il y a eu les problèmes de terrorisme. Et donc c'est un acquis effectivement Schengen, c'est la libre circulation. Mais vous savez aussi que Schengen a été très mal mené et depuis 2015, en raison notamment de ce qu'on a appelé la crise migratoire, c'est-à-dire que certains États ont rétabli leurs frontières pour empêcher les flux migratoires, et c'est la première période pendant laquelle Schengen a été en crise. Donc aujourd'hui, paradoxalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que les partis nationalistes et populistes qui, depuis toujours disent qu'il faut fermer les frontières, il faut mettre un terme à Schengen, sont en train, à l'occasion d'une crise sanitaire, d'obtenir raison, puisque effectivement les frontières se ferment les unes derrière les autres. D'ailleurs, on a entendu le dirigeant hongrois exprimer à peu près ce que vous venez de dire dès la mi-mars. Viktor Orban a expliqué qu'il existait un lien entre le coronavirus et les migrations parce que, je le cite, les deux se répandent en bougeant. Est-ce que selon vous, cette crise, Thierry Chopin, peut servir de prétexte, au-delà du risque sanitaire réel, pour servir des politiques nationalistes en Europe ? Alors, il est assez clair et je rejoins ce qui a été dit par Patrick Martin-Denis tout à l'heure. C'est-à-dire que Schengen est un système, en fait, qui repose sur le principe de libre circulation des frontières, notamment au sein, évidemment, et entre les pays qui sont membres de cet espace. Certes, les contrôles, le retour, en fait, le rétablissement des contrôles pour des motifs d'ordre public sont prévus, hein, par Schengen, notamment en cas de menace terroriste, hein, ça avait été le cas. C'est le cas actuellement à nouveau en matière de risques sanitaires, avec des conséquences évidemment en matière économique, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure, mais aussi en termes d'instrumentalisation possible, à n'en pas douter, par les forces politiques nationales populistes voire d'extrême droite. Je crois que ce qui est très frappant en fait dans cette crise sanitaire, c'est que un certain nombre en fait de thèmes politiquement parlant qui sont revenus sur le devant de la scène sont des thèmes qui sont au cœur traditionnellement de la rhétorique et du discours national populiste. C'est évidemment le cas pour les frontières, c'est le cas aussi, me semble-t-il, en termes d'impact en fait sur nos démocraties libérales, c'est toute la tension en fait entre solidarité, coopération d'un côté ou repli national, voire nationaliste de l'autre, et donc dans ce contexte général-là, effectivement, on peut craindre une instrumentalisation par ces forces politiques populistes de ce retour des frontières qu'on a vu quand même à l'œuvre déjà, à la fois à la faveur, je vais dire ces dernières années, à la fois à la faveur des attentats terroristes, mais aussi de la crise migratoire. Et si on ajoute en fait, peut-être dernier point là-dessus, dans le contexte de crise sanitaire actuelle et de fermeture même temporaire des frontières, ce qu'on voit aussi pointe, c'est-à-dire le risque d'une canalisation de la peur sur l'autre et donc un retour de la xénophobie, à la fois vis-à-vis d'autres États membres, mais aussi vis-à-vis peut-être d'autres pays extérieurs à l'Union européenne. Je veux dire que tous les ingrédients sont réunis, malheureusement, pour que le terreau soit fertile en faveur de ces forces politiques. Alors, vraisemblablement, cette pandémie va durer encore plusieurs mois, donc le risque dont vous parlez également, ou en tout cas il risque de s'accentuer. Est-ce que ce sera facile, après ce laps de temps, de revenir au fonctionnement d'avant, Thierry Chopin ? Alors, ça, j'allais dire, ça a déjà été le cas. On est déjà passé par une période en fait de fermeture des frontières intérieures de l'espace Schengen au moment des attentats terroristes. C'est jamais simple, ça prend toujours un peu de temps. C'est d'autant plus difficile en fait dans le contexte actuel que il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de flou sur la stratégie en fait de sortie de crise. Tant qu'on ne saura pas dans quelle mesure cette pandémie pourrait être enrayée, il est très difficile en fait d'envisager une échéance en fait de retour à l'ouverture des frontières. Ce que prévoit Schengen dans le cadre du droit actuel, c'est que cette fermeture des frontières, elle est possible en fait pendant une période de 30 jours. Elle est renouvelable pour une durée maximale de 24 mois. C'est-à-dire que ça peut durer 2 ans quand même cette histoire. Et effectivement, il y a deux possibilités en fait. Il y a deux scénarios de ce point de vue-là, c'est-à-dire le maintien, alors plus ou moins long en fonction de l'évolution de la pandémie, dans le cadre qui est prévu par les règles en fait du code Schengen lui-même. Donc utiliser les marges de manœuvre qu'offre encore ce code frontière Schengen pour allonger, si c'est nécessaire, le maintien des contrôles pour une durée maximale de 2 ans, ou bien deuxième scénario beaucoup plus grave, c'est maintenir de manière permanente ces contrôles frontaliers sans égard aux règles Schengen, et de facto ça reviendrait en fait à casser Schengen et à revenir effectivement sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire sur cet acquis central de la construction européenne, sur ce principe fondamental qui est celui de la liberté de circulation. Et ça, je crois que c'est un élément évidemment très très important qu'il faut souligner. La question du maintien ou pas de Schengen, c'est quand même quelque chose qui à la fois est important économiquement, qui est important du point de vue d'enjeux de sécurité, mais qui politiquement reflète en fait, est l'expression de ce qu'est le projet européen comme construction d'un espace de liberté, notamment de liberté. Et qui préoccupe beaucoup, par exemple, le président français qui disait il y a un peu plus de 2 semaines à l'issue d'un conseil européen que le risque c'était la mort de Schengen carrément. C'est possible selon vous, Patrick Martin-Genier? Oui, au-delà de Schengen, ce qui est possible, c'est effectivement la fin de la construction européenne, car je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si on remet en cause le principe même de la liberté de circulation à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, c'en est fini de la construction européenne. On reviendra aux frontières, aux barrages, aux barrières techniques, au protectionnisme. Il est certain qu'il faudra tout refaire, tout refonder, sauf à faire complètement éclater les règles de l'Union européenne et des traités. En revanche, ce qu'il faudra analyser après, c'est, on l'a bien vu, c'est la faiblesse industrielle et commerciale de l'Europe. Aujourd'hui, il y a une réflexion que nous devons avoir sur le plan économique et industriel, et je pense, c'est ce qu'a à l'esprit Emmanuel Macron, c'est notre extrême dépendance, nous l'avons vu, vis-à-vis d'autres pays, et notamment des grandes puissances qui poursuivent un objectif stratégique et commercial, comme la Chine, la Russie et autres. Nous sommes très dépendants en matière de production de matériel médical, de produits pharmaceutiques, et ça, il faut recentrer une production médicale en Europe, et il faut refonder ce marché unique de façon à ce que nous puissions avoir une plus grande dépendance. Mais ce que nous avons vu sur le plan sanitaire, nous le verrons sur le plan énergétique. L'Europe est également très dépendante sur le plan énergétique, et donc il faut avoir une réflexion sur notre indépendance énergétique, industrielle, pharmaceutique, et sur la protection de nos frontières. Je crois qu'il faut tout refonder, mais sans remettre en cause ce principe de liberté de circulation qui est une des valeurs de l'Union européenne. Alors tout ceci, ça passe évidemment par des discussions et un fonctionnement avec un esprit d'écoute, une notion de ce qui peut être commun. Vous avez tous les deux rappelé que l'Union européenne prévoyait que les frontières puissent être fermées temporairement. Là, en fait, ce qui a beaucoup marqué, c'est que les pays ont pris chacun les décisions dans leur coin. Est-ce que on pourrait imaginer est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, Thierry Chopin, les pays de l'Union européenne sont prêts à discuter de ces questions-là ensemble? Il faudra que ça soit le cas. Effectivement, vous avez entièrement raison. Les décisions ont été prises en fait de manière unilatérale dans un premier temps. J'allais dire, en même temps, il faut pas s'en étonner non plus, même si on peut le déplorer. C'est-à-dire que l'Union européenne, en fait, n'est pas un État, et donc elle n'a pas de frontières. Et je plaide comme Patrick Martin-Genier sur la nécessité, en fait, de penser et de poser la question enfin des frontières déjà extérieures de l'Union européenne, qui sont aujourd'hui uniquement finalement qui relèvent de l'addition des frontières nationales. Et donc ce sont les États membres qui détiennent la souveraineté, en fait, hein, en ce domaine. Et évidemment, cette souveraineté, elle implique en fait que ce ne sont pas les institutions européennes qui prennent les décisions de fermer ces frontières. Ces décisions, elles sont prises alors de manière coordonnée ou non coordonnée, de manière unilatérale, par les chefs d'État et de gouvernement. Et le rôle de la Commission, de ce point de vue-là, devrait être de coordonner l'action effectivement des États membres afin d'éviter que les contrôles à l'entrée en fait de tel ou tel pays soient effectués de manière différente, parce que sinon le risque, dans le cas de la crise sanitaire actuelle, c'est évidemment un risque de propagation du virus. Donc je crois que ce point-là de la souveraineté des États sur cette question des frontières est un élément très très important. Et on voit bien que dans des circonstances exceptionnelles, comme c'est le cas aujourd'hui, cette souveraineté des États, elle s'impose encore, j'allais dire, davantage. Elle s'accroît encore davantage. Donc tout ce qui pourrait favoriser et renforcer les mécanismes de coopération au niveau européen pour que ces décisions soient prises de manière coordonnée et non plus uniquement fragmentée et unilatérale, irait, me semble-t-il, dans la bonne direction. Puisque vous parliez des frontières extérieures, j'aimerais qu'on en dise un petit mot parce qu'il en est aussi question au sein de l'Union européenne en ce moment. Emmanuel Macron en a parlé hier soir, par exemple, dans son allocution. Il est question de les maintenir fermées peut-être jusqu'en septembre prochain. Quel est l'objectif, Patrick Martin-Genier? Encore une fois, je crois que l'objectif est un objectif avant tout sanitaire, c'est-à-dire empêcher la propagation du virus d'un continent à l'autre, car c'est une affaire intercontinentale, comme vous savez bien. Regardez la Chine qui avait pratiquement éliminé ce virus. On vient d'apprendre que plus d'une centaine de cas étaient réapparus. Pourquoi ? Parce que ce sont des cas de virus importés, des Chinois qui ont voyagé à l'étranger, qui sont revenus. Donc l'objectif, effectivement, c'est de diminuer les transports, les voyages entre les continents pour éviter la propagation du virus. C'est juste pour des raisons sanitaires ou bien il y a aussi quand même le souhait de relancer la consommation à l'intérieur de l'Europe ? Oui, bah, il y a peut-être les deux, mais il est certain que de toute façon, on ne pourra pas fermer indéfiniment les frontières extérieures. Je crois qu'il y a les deux, empêcher les voyages entre la Chine et les États-Unis, partout où il y a encore ce virus, il y a des risques de propagation. C'est aussi parce qu'il y a probablement une insuffisance sanitaire. Nous n'avons pas tous les masques que nous devrions avoir, on n'a pas tout le matériel de protection, et donc c'est peut-être aussi une façon de se protéger, et peut-être effectivement, ce serait un accord à conclure entre les chefs d'État et de gouvernement, la nécessité de relancer la croissance dans l'Europe, car lorsque vous regardez les chiffres, ils sont effrayants. Ce matin, on vient d'apprendre que la France, eh bien, la récession pourrait atteindre 9%, moins 9% de PIB. On parle au Royaume-Uni de moins 13%. J'ai même vu un titre dans la presse ce matin, ça pourrait atteindre moins 30% au Royaume-Uni, moins 8% en Italie, ce qui veut dire qu'effectivement, demain, il va y avoir une exigence de relance de la croissance économique en Italie, en France, en Europe, et cela sera très important. Tout ce qui pourra protéger nos PIB sera effectivement fondamental. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» publié par Studirama. Et Thierry Chopin, professeur de sciences politiques à l'ESPOL, une école de l'Université catholique de Lille, conseiller spécial à l'Institut Jacques II. Dans quelques instants, vos bulletins de nouvelles. Merci d'avoir suivi ce premier numéro des 60. Bon week-end, bonne soirée. Merci.